suis pratiquement arrivée au bout d'une voie d'insertion. Un camion roule sur la voie principale et une voiture a signalé son intention de s'insérer tout comme moi. Je roule à 100 km/h. Je peux m'engager bien entendu et vu ce qui se passe derrière, j'ai tout intérêt à accélérer un peu de manière à ne pas gêner la voiture rouge. Le camion roule normalement à 90 km/h maximum. Je ne le gênerai pas de toute manière. Réponse A et C.